Deuxième journée, 26 mars. Au stade, le temps est meilleur qu'il ne l'était la veille, et la température moins froide. Mais un vent violent soulève un nuage de poussière qui incommode les spectateurs. L'affluence est moindre qu'elle ne l'était le jour précédent. Le premier élan de curiosité s'est un peu calmé, et l'on considère le prix des billets comme exorbitant. À 2h30, la famille royale fait son entrée, et les jeux commencent immédiatement. Lancement du poids. Ce jeu, excessivement populaire en Grèce, excite l'intérêt général des spectateurs. Sur 15 inscrits, 7 seulement prennent part au concours, parmi lesquels 2 Grecs, M. Gouskos, membre du Syllogue panhellénique d'Athènes, et M. Papasideris du Syllogue national. Les divers concurrents se désistent l'un après l'autre et MM. Gouskos et Garrett restent seuls en présence. Toutes les fois que le premier lance heureusement le poids, les spectateurs l'applaudissent frénétiquement. Le roi et la reine ont leurs jumelles braquées sur les champions et donnent le signal des applaudissements. Le prince héritier et le prince George s'approchent des concurrents avec un intérêt visible. Enfin, M. Garrett est déclaré vainqueur. Il a lancé le poids à 11,22 m, l'emportant sur son rival de quelques centimètres. Le pavillon des États-Unis est de nouveau arboré, et l'enthousiasme des Américains parvient à son comble. Ils poussent de nouveau leur bizarre hurrah et agitent de petits drapeaux. Dans leur enthousiasme, ils n'oublient pas pourtant de féliciter le champion Hélène, maltraité, disent-ils, par le sort. Travail des poids. Ce concours a lieu au centre du stade qui a été dans ce but recouvert de sable. 10 concurrents y prennent part. On commence par le travail des poids des deux mains. Chacun des concurrents se baisse et soulève des haltères dont le poids va toujours croissant. Le prix est décerné à M. Jensen, danois. Il a soulevé un poids de 111,5 kg. M. Elliott, anglais, vient second. C'est un grand jeune homme, blond et admirablement bien fait. Au travail des poids d'une seule main, c'est au contraire M. Elliott qui est vainqueur. Il a soulevé un poids de 71 kg. M. Jensen est second. On hisse successivement le pavillon danois et le pavillon britannique. Ce dernier est salué par de vives acclamations de la part des Anglais qui se trouvent dans le stade. Pendant ce concours se produit un incident assez curieux qui peut faire juger de la force herculéenne du prince George. Tandis qu'un serviteur traînait avec beaucoup de peine un haltère, le prince, le soulevant, le jette à distance avec la plus grande facilité. Les spectateurs applaudissent et acclament le prince. Le soir, conformément au programme, l'acropole est brillamment illuminée. De multicolores feux de Bengale semblent donner une nouvelle vie aux rochers sacrés de l'acropole et aux ruines des monuments immortels qui la dominent. Les débris de ces chefs-d'œuvre de l'art antique paraissent s'associer ainsi à la joie qu'inspire le rétablissement des Jeux olympiques.